Je n'ai jamais fait d'aveuglement volontaire. Je veux que ce soit. Êtes-vous naïf? Je ne suis pas naïf. Je suis une personne qui fait confiance. Été choisi pour remplacer Renaud Mirois le matin, c'est tant mieux parce que la soirée aurait été pas mal moins jeune. Voici votre animateur, Jean-Philippe Baudieu! Hey! Bonsoir tout le monde! Ben oui, mais c'est rempli ce soir. Il est à peine 19h. La soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre de l'attentat raté de Toronto cette semaine. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir, tchou tchou! Ouais, hey! Non! Non, mais on est sur les nerfs. Ah, ouais, ouais. Hein? Non, non, mais un potentiel hypothétique attentat ouais. Perpétré par un sans-abri, sans moyen sur un train de passagers. Pas un train de Via Rail, toujours? Un train de Via Rail, toujours. Là, il me semble que c'est se donner du trouble. Un attentat, c'est un train de Via Rail. Voyons donc. C'est vrai, hein? C'est jamais quand ça part, c'est jamais quand ça arrive. Tout le temps arrêté, cette affaire-là. Ah, mais ils donnent des sandwichs quand ils arrêtent. Au moins. Ben. Au moins, tu manges bien. Regardez ça. En tout cas, s'il y a un train qui est parti. Poupou! C'est le temps! Merci, Fred. C'est un bruitage peu coûteux à l'émission. Ouais, peu coûteux. S'il y a un train qui est parti, c'est celui des libéraux. Ah ouais. Hein? On a vu gros sondage crop cette semaine. Hey, les chiffres sont éloquents. Les partis libéraux du Québec et du Canada sont en tête. Hein? Dans les intentions de voix, c'est une première depuis 10 ans! C'est malade! 10 ans! Hey, c'est bien pour dire, hein? Les gens ont pas de mémoire. Non. C'est fou, ça. Et on pas oublie. L'air. On oublie. Et on pas l'air d'aimer le contenu non plus. Ah, ben franchement, Fred. Ça, c'est... Philippe Couillard, ça a du contenu. Ça. Ah, avez-vous vu son CV? Ah non. Il y a beaucoup de mots. Ah, ouais. On dirait quelqu'un qui a un chapin dictionnaire. Ah ouais. Plein! Hey, c'est plein, c'était pas cette affaire-là. Ah, ouais. Non, je vous le dis. Bon, Justin, oui, bon, c'est vrai. Le contenu, c'est peut-être pas sa force jusqu'à maintenant. Hein? Mais il est très beau. Ah! Et ça... Ça, c'est super. Et avouez que ça ferait du bien un beau premier ministre. C'est vrai. Hey, ça fait longtemps, là. Ah, oui. Stephen Harper, Jean Chrétien, oui. Kim Campbell, peut-être le plus beau monsieur des trois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un stade à Ottawa. Ah non, non, mais c'est vrai. Je pense que le dernier, c'était Wilfrid Laurier. Ah, ben là, vous oubliez Pierre-Éliott Trudeau, quand même. Ouais, non, j'essaie très fort d'oublier. Ah, OK, d'accord, non, mais... Mais dans le fond, il pense, c'est vrai que... Hein, il est beau, Wilfrid, ses 5$. Ben oui. Puis je vais vous dire, j'aime mieux 2 5$ qu'un 10$. Et voilà. Hein? McDonald's, il est moins Ronald, il est moins, c'est moins non, ça. Ouais. Non, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Une chose est sûre, Pauline Marois, ben ça, on le suit, c'est la grande perdante du sondage avec un taux d'insatisfaction de 65%. Bah, en même temps, ça tombe bien, 65, c'est l'âge de retraite aussi. Oui, il y a ça. Il y a quand même du positif. Hein, mais à 65%, ce qui est le fun, c'est que ça ne risque pas de reculer au PQ. Non, hein, là-dessus, c'est un 65 fixe. Non. Ça va rester là. Je trouve ça le fun. Parlant de recul, c'était la fameuse journée sans maquillage mercredi. Ah, hein, bravo oui. À mesdames. Mais là, c'est pas toujours la journée sans maquillage depuis le règlement P6. Ah, ouais. Vu de même. D'ailleurs, on le rappelle, aux filles qui se maquillent le matin, s'il vous plaît, appelez votre poste de quartier pour donner votre itinéraire. Oui. C'est très important. Surtout si vous mettez du rouge à lèvres. Oui, et puis surtout si vous avez les lèvres carrées. Ah, ouais, non, mais ça, ouais. Carré rouge, ça aide pas, ça. Sinon, il y a notre chum Frank Zampino, qui nous a offert tout un témoignage rempli de contradictions cette semaine à la commission Charbonneau. Ouais. En tout cas, une chose est claire, il a jamais été témoin de collusion à la ville de Montréal. C'est une bonne nouvelle. Mais même pas quand il était à Las Vegas avec tes petits amis. Non, ben non, il savait même pas que c'était Las Vegas. Il pensait que c'était Venise en Québec. Ah, ouais. Non, gars, le gars, il voyait rien. Et même pas quand il était sur le bateau de Tony Accurso. Hey, il savait même pas que c'était un bateau. Ah non? Non, il savait même pas que c'était Tony Accurso. Il pensait que c'était Tony Lanza. Ah, Tony Lanza. Ah oui, la vieille TV des années 80, le gars, il est pas vite. Regarde, tu veux, je te dis, c'est pas de sa faute. Autre mauvaise nouvelle pour Montréal, puis je dis mauvaise nouvelle. Catastrophe pour Montréal. Je sais pas si vous avez vu ça. Plusieurs statues de cire du musée Grévin devront être refaites. Et voilà. Hey, une autre preuve que le Québec est médiocre. Quand François ça va mal. Raison. Ah, quand ça va mal. C'est écœurant, c'est fou. Ah, mais faire une statue de cire de quelqu'un qui se ressemble, c'est pas facile. Bah, c'est peut-être les originaux qui sont ratés, dans le fond. Ah ouais? Avez-vous des noms? Ah non, il y a mon avocat qui me susurre à l'oreille que je n'ai pas de nom. Ah, moi j'ai pas d'avocat et je vous dirais Ginette Renaud. Ah! On a des belles, alors, c'est une blague. On a... Éventuellement, je vais en avoir un avocat. Ouais. Parce que ça serait une bonne chose. Ça commence à coûter cher. On a eu des belles nouvelles quand même cette semaine, et ça vient de la France, je sais pas si vous avez vu. Ils ont finalement adopté la loi permettant au mariage, le mariage conjoint de même sexe. Oui, j'ai eu de la misère à le dire. Ben oui. Ça me rend tout... Mais ça m'a touché. Ben oui, c'est ça. Mais c'est une belle nouvelle. Et ça, ben regarde, je sais. Oui. Et ça, c'est aux grandes dames de Frigide Barjot. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est qui ça? Non, c'est pas une blague. C'est qui ça, Frigide Barjot, un fuck? Ça dépend comment tu l'apprends. Mais oui, ça peut être un fort. En tout cas, en fait, c'est la porte-parole des anti-homosexuels français. Et elle dit que les anti-homosexuels n'abandonneront pas le combat. Ah ouais, ben là, ça, c'était qu'est-ce qu'ils vont faire, la loi est passée? Que c'est... Justement, ben, j'imagine que leur plan, là, ça va être de faire des enfants, hein, qui dans 30 ans, des enfants hétérosexuels, qui dans 30 ans vont devenir députés, qui vont abroger la loi. Tu sais, c'est, sinon, je vois pas d'autres moyens. C'est comme un plan hétéro-quinquennal. Ouais, je pense que c'est ça. C'est à long terme. Mais parlant de moyens, je sais pas si vous avez vu, La Presse s'en est donné pas mal avec le lancement de La Presse Plus. Hey, boy! Non, mais c'est quelque chose. Avez-vous vu ça? Fred? Non, j'ai même pas d'iPad. Ah! J'ai même pas l'iPad 1, Marine. Arrêtez donc. Ça marche même pas sur l'iPad. Non, mais vous manquez quelque chose, frère. Ah ouais. C'est merveilleux. Ah ouais. Les pubs sont extraordinaires. Ah ouais. Écoute, moi, je te le dis, j'en viens pas. Les articles. Hey, là, vous me prenez un peu... c'est une colle, ça. Ben... Sais-tu que j'ai pas pris le temps de regarder les articles? Non, mais vous m'en parlez. Ah, ben, m'en regardez ça. Ben, faudrait. Ah, ben oui. Hey, j'ai pas pensé. C'est-tu... Il y a des articles. Ben, j'imagine. J'espère. Ah oui, on dit qu'il y avait du contenu. En tout cas, je regarderai ça plus tard. Hey, heureusement, ce soir, on a des invités qui ont du contenu. Ça, c'est vrai. Ben oui. Hey, on reçoit Louise Richer, qui est la fondatrice de l'École nationale de l'humour. Oui, mon ancienne boss. Ah oui, c'est vrai, vous avez été professeur là-bas. Ben oui, c'est nettement moins bon depuis que je suis parti d'ailleurs. Ouais, ça devait pas être... C'est pas vrai. Il est gêné. Mais ça devait pas être fort en partant. Si ça, non, c'est, quand même, ça semblait bien. Ouais. On reçoit également Alexandre Cloutier, qui est le ministre des Affaires intergouvernementales et de la gouvernance souverainiste. Ah, ça aussi, c'est moins bon et pourtant, j'ai jamais rien fait au PQ. Ah! Bon, vous aurez le temps de lui demander en pleine face, Fred, parce que la soirée est encore jeune! Ah! Eh bien, Olivier Niquette! Oui! Les internets! Ben oui, comme d'habitude, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront lire un tweet de Bernard Pivot qui a vu des Montréalais remonter de la ville souterraine pour refaire surface au printemps comme des poissons. Ah, c'est beau, hein? Ben oui. C'est tout? Personne n'y a répondu qu'il fallait être poisson pour croire que ça existe, la ville souterraine. Ben, moi, je suis tout le temps là. Hein. Grosse semaine d'actualité, en fait. Grosse semaine. Énorme. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler du témoignage de Gérald Tremblay à la commission Charbonneau. C'est quelque chose. Avez-vous vu ça, Fred? Non, pas au courant. Ah ben, vous l'avez vu, finalement. Ben oui, je suis au courant. C'est pas mal ça. Hey, avec l'arrivée de Marie-France Bazot à Radio-Canada, ben, les rumeurs courent sur d'autres têtes d'affiche qui pourraient se greffer à la programmation l'an prochain. Et ça nous a inspiré notre palmarès de la semaine. Alors, voici 5 têtes d'affiche et leur nouvelle émission qui pourraient se joindre à la première chaîne dès l'automne. Et je suis très content de faire ça avec ma boss qui me regarde au loin. Ben oui. Sachez-le. Alors, en 5e position... L'émission À rebours, animée par Pauline Marois. Ah! Elle a pas une job, elle! Plus pour longtemps, mon ami. Ah, non, ouais. Ah, en 4e position, les apartistes. On se souvient d'eux, hein? Les apartistes et leur nouvelle émission, La fin d'année est encore jeune. Ah, non, ouais. Non. C'est plate. Ça me semble que c'était le fun quand c'était de l'humour, cette émission-là. Hein? En 3e position, le Dr Barrette qui va remplacer Catherine Perrin dans sa nouvelle émission, Large. Ah, franchement. Ça, là... Pis quoi encore? Ça aurait pu être la sphère. Ben là! Pis quoi encore? Ça aurait pu être bien dans son assiette. On va arrêter, Fred, là! Moi, je me dégage de cet humour-là. C'est ça. En 2e position, Stéphane Gendron qui va remplacer Marie-Christine Trottier à Bouillante Culture dans une nouvelle émission qui va s'appeler Bouillant. Ah, ben oui. Ça va être bon. Ah, ça, j'ai hâte, la première. Que j'ai donc hâte! Et en première position, La tête ailleurs, animée par Jun Lin. Ça, c'est pas la victime de Luca Rocco Magnotta, ça? Ouais. Puis en plus, ça va être la première vraie émission pan-canadienne d'animateurs et partout pays. Eh, bon boy! Okay. Ça sent le montage, hein? Il y a une odeur de montage. Des fois, je suis rouge, là, on me voit pas, parce que je suis à la radio, mais je suis rouge. N'empêche que c'est une très drôle blague. Faut ouais, juste savoir l'apprécier à sa juste valeur. Je pense que c'est ça, c'est dans la manière. Hey, présentez-nous, notre premier invité, Fred, s'il vous plaît, rapidement. Ministre de la gouvernance souveraine, il est pogné pour aller défendre les intérêts du Québec à Ottawa. On lui souhaite bonne chance. Accueillons le député de la circonscription de Lac-Saint-Jean, M. Alexandre Cloutier. Bon. Ben, première chose, le ministre délégué à la gouvernance souverainiste a certainement besoin d'un verre de bière. Ah, on dira pas non. Ouais, c'est ça, je me disais. Je vais prendre la grosse canette 750. Ah, t'avais un chauffeur. Ça fera pas de. Ça a été de m'enfiler ta bière. Ça se pourrait que ce soit elle qu'on a brassée avant l'émission pour rire. Je vais juste faire un. C'était pas elle. Vous pouvez continuer l'ouverture. Merci. Non, vous riez, mais Jean-Philippe Cipriani fait tout le temps ça au chaque début d'émission. Il en brasse une pour le fun. D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un l'a poigné dans la salle. Le problème, c'est Jean-Philippe Cipriani, si vous avez des plaintes. Ah, donc, monsieur Cloutier, monsieur le ministre, gouvernance souverainiste. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, boy. Non, mais on rit, parce que, effectivement, c'est très drôle. Mais, mais on voulait savoir un peu plus c'était quoi. Hein? Parce que c'est pas clair, la gouvernance souverainiste. Ben, c'est quand même pas si clair que ça. Ben, oui, c'est très clair, la gouvernance souverainiste. Ce qu'on veut, c'est que le Québec devienne un pays indépendant au sein de l'Occident et dans le monde, un pays pour que le Québec soit représenté. Là, c'est parce que souvenez-vous du sketch de... De voyons, notre ami, le Canada. C'est quoi le sketch de... Elvis Gratton, exactement, sur... Ah ouais, non, je suis trop jeune. Non. Mais ça veut dire quoi? Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Ben, la Commission nationale d'examen, c'est probablement l'exemple le plus concret. On est en fin de semaine, le 27 avril, il va y avoir une importante marche pour la défense des travailleurs, des prestataires qui sont coupés un peu partout à travers le Québec. Moi, je suis député de Lac-Saint-Jean, je suis en même de vivre dans l'industrie forestière. Et on s'est donné une commission nationale d'examen, justement, pour évaluer l'ensemble des impacts. C'est un geste concret. Ça ne s'est jamais fait en passant dans l'histoire du Québec. C'est la première fois qu'on va analyser une mesure prise par le gouvernement fédéral à l'intérieur d'une commission nationale. Et c'est Jules Duceppe qui est à la tête de ça. C'est... Ben, Gilles accompagné Rita Diane-Marcellet, de même que l'ancien sous-ministre à Ottawa qui était responsable, en fait, de la mise en œuvre de la réforme, pas de la réforme de l'assurance-emploi comme telle. Donc, le processus, M. Duceppe va faire le tour du Québec. Il va recueillir des données. Exact. Et il va sûrement suggérer de rapatrier l'assurance emploi. Et est-ce que vous pensez que Stephen Harper va écouter? Ben, on le souhaite, mais en même temps, vous le voyez comme moi, hein, Stephen Harper, l'écoute, je ne suis pas sûr que ça soit sa principale caractéristique. On l'a vu aussi dans le dossier du rapatriement. Ouais. J'imagine que vous allez m'amener là peut-être tout à l'heure. Ben, là, vous vous êtes rendu vous-même. On peut poursuivre si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas sa principale caractéristique. Mais en même temps, nous, on peut pas juste rester deux bras croisés. Quand il y a des mauvaises décisions qui sont prises par le gouvernement fédéral, il faut agir. Puis, vous êtes délégué aux affaires intergouvernementales canadiennes. Ça veut dire que vous parlez beaucoup à vos homologues. Vous n'avez pas le choix un peu de voir comment ça se passe à travers les autres provinces et de parler au gouvernement fédéral, à moins que je me trompe. Est-ce vous avez tout à fait raison. Est-ce que c'est une job facile à faire, ça? Bien, d'abord, mon homologue habite juste l'autre bord du lac, c'est Denis Lebel. Moi, je suis député de Lac-Saint-Jean. Ah ben oui, ben imaginez-vous que mon porte-parole, il habite juste à 40 km de chez nous. On sauve ses longues distances. Vous voyez comment c'est efficace, le Canada? Oui, c'est ça. On a une autre belle carte ici, là, qu'on devra couper. Finalement, moi, je pense que je viens de bousiller ma carrière politique. Non, les gens oublient. Peut-être mieux de quitter dessus. Avez-vous d'autres questions? Oui, on va parler de bonnes nouvelles. Il y a un sondage qui est sorti cette semaine. Ben oui, ben on monte. Ouais. On est passé de 60 à 65 % d'insatisfaction, mais au moins... Mais au moins c'est ça, c'est exactement ça. Il faut voir les choses positivement. Il y a des choses qui montent au PQ et c'est l'insatisfaction. Oui, puis moi, j'ai bon espoir qu'on va continuer encore à monter un petit peu. Mais justement... Il me semble que quand on voit, par exemple, une direction claire, parce que c'est facile d'analyser de ça, de tirer des conclusions, on voit que l'insatisfaction augmente. Ça ne nous donne pas envie en tant que gouvernement, puis c'est une question très sérieuse, d'aller de l'autre côté. Je veux dire, quand on voit que l'insatisfaction augmente, on se dit pas, bon, on fait pas les bonnes choses, il faut reculer. Oui, mais quand on décide de prendre des décisions, puis qu'effectivement... Il y a des opinions qui se font valoir, qui sont valables, et que le gouvernement en tient compte. Tout de suite, on cite le gouvernement recule, alors qu'on est un gouvernement qui est à l'écoute, qui est capable de dialogue. Monsieur le ministre Cloutier, c'est-tu le fun de se faire appeler Monsieur le ministre Cloutier? C'est-tu le fun de se faire appeler Monsieur le ministre? Il y a des jours oui, des jours non. Bon, okay. Ben, je vais vous dire, ben honnêtement, vous avez de l'air d'un gars qui... d'un ministre, pardon, mon Dieu. Qui a l'air déçu d'avoir fait d'autant de bons coups, mais que personne ne les retienne. puis que tout le monde dise non, que ça va pas mal. Mais tu sais, ça fait 7 ans que je fais de la politique. Je veux dire, c'est tellement des yo-yo. Puis la vie politique, c'est ça. Puis honnêtement, c'est aussi ça, la démocratie. Puis les gens ont le droit de s'exprimer. Puis tu vis des bons moments. Puis tu vis des moments plus difficiles. Mais en même temps, je me souviens très bien, moi, d'avoir vécu un moment où tout le monde dit, ah, le PQ, c'est fini. C'est un parti d'une vieille génération. La souveraineté du Québec, ça arrivera jamais. Le PQ va mourir. C'est Madame Marois ne deviendra jamais première ministre. C'était pas comme la semaine passée, ça. Non, mais c'est juste pour vous dire que les choses changent. Les choses changent, puis faut croire. Nous, on est des leaders. On croit en ce qu'on fait. Moi, je fais ça parce que j'aime ça, puis parce que j'y crois profondément. Puis à un moment donné, quand ça va mal, tu te dis pas, mon Dieu, ça va mal. On a le gouvernement. Rien qu'on va faire, on s'en va d'un mur. Tu t'en retrousses les manches, puis tu fonces, puis tu crois en ce que tu fais, puis tu essaies de convaincre les gens que tu as raison. Puis c'est ça que nous, on essaie de faire. Puis c'est normal que, comme gouvernement, on vit des meilleurs moments comme des moins bons moments. Puis le problème, j'imagine aussi, c'est qu'avec un gouvernement minoritaire, surtout avec le texte de Vincent Marissal de jeudi matin, je sais pas si vous l'avez lu. Alors, je peux vous le résumer si vous voulez, il est bien bon. non, mais en fait, il dit que ça va pas bien. Sur le sondage. Et il parlait de rumeurs d'élection dès l'automne. C'est sûr que quand on a une rumeur d'élection à l'automne, ça doit pas être évident de prendre des décisions qui vont rester puis des actions qui vont pouvoir se répercuter clairement dans la société. En même temps, il n'y a aucune nécessité d'aller en élection à l'automne. D'abord, pour que le gouvernement soit renversé, il faut que les partis d'opposition soient d'accord, la Coalition du Québec puis le Parti libéral. Alors, c'est loin d'être simple. Vous parlez du sondage. Dans le sondage, on disait aussi que le Parti québécois était troisième des régions ressources. Moi, je m'excuse, mais je suis député de Lac-Saint-Jean. Je serais très, très, très surpris que le PQ soit troisième dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean en Abitibi. Fait qu'il faut en prendre et en laisser là-dedans. Puis moi, on garde toujours une certaine distance. Les sondages, l'important, c'est la tendance. Quand la tendance est à la baisse, on essaie de remonter, mais en même temps, on garde une certaine distance par rapport aux chiffres. Et est-ce qu'on a peur d'aller en élection à l'automne? Pas du tout, mais en même temps, est-ce que les Québécois veulent aller en élection à l'automne? En tout cas, à ce stade-ci, je pense pas. On va faire un sondage. Est-ce que vous avez envie d'aller en élection cet automne? Ah, ben c'est un blabla. Je pense que ça veut dire oui. Même le gars d'Option nationale n'a pas le vent. Ouais. Je vois qu'il est à sa deuxième bière. Oh boy! On va terminer sur un sujet vraiment important. Il y a des mauvaises langues qui disent que vous seriez ben beau. Bon, là, évidemment, moi, je connais pas c'est qui, je sais. Il y a même un Tumblr, un site internet qui s'appelle Fuck yeah Alexandre Cloutier. Est-ce que vous le regardez souvent? C'est des belles photos de vous qui vous met en valeur. Je suis un petit peu déçu que vous en parliez en ondes, parce que c'est la première fois que ma femme va en entendre parler. C'est vrai? Il y a aucun problème, j'en ai un aussi. C'est vrai? On est chum de Tumblr. Quand autant que vous ne me comparez pas à Justin Trudeau, je connais. Il y en a un aussi, remarqué. Bon, fait qu'on, ben oui, tout le monde a un. Ben, tout le monde beau, non? Je suis désolé, Fred. J'en ai pas. Moi, c'était des diapositives. Oh, que c'est le fun. Avant de se quitter, là, parce que vous restez quand même avec nous, là, j'ai une dernière question. Je sais que vous avez déjà déclaré qu'André Boisclair avait influencé votre parcours. Est-ce que vous la regrettez, celle-là? Voulez-vous qu'on arrête là? Voulez-vous que je la prépare? Ouais. Ben, pensez-y, on va revenir plus tard. OK, excellent. Vous restez avec nous? Oui, merci. Le gouvernement du Québec nous ramène cette semaine sa série de pubs de Revenu Québec pour nous mettre en garde contre les paradis fiscaux et on a mis une de leurs pubs dans notre détecteur de bullshit. Voici ce que ça... c'est pas qu'on te voit. Voici ce que ça donne. Je pensais à ça, là. On préfère disparaître de l'argent dans les paradis fiscaux. Vous voulez qu'on paie moins d'impôts? En plein ça. Il me semble que déjà, on n'en paye pas tant que ça. Tant qu'à payer 15% sur nos profits, aussi bien mettre cet argent-là dans les Bahamas. Le gouvernement va s'en rendre compte. Es-tu malade? Le PQ, le PLQ puis la CAQ ont voté contre une motion de Québec solidaire le mois passé pour interdire les dépôts offshore. Ah, OK, je fais ça tout de suite. Excellent. En s'assurant que chaque entreprise paie sa juste part, Revenu Québec vise à vous faire croire qu'elle peut vraiment récupérer les 3,5 milliards qui nous échappent collectivement chaque année. Un message de Naïveté Québec. Pas toujours drôle, vos blagues. Non, je... Franchement. Merci beaucoup, M. Cloutier. C'est le moment tant attendu, et ça, je suis très content d'aller retrouver notre reporter tout-terrain, Catherine Desormeaux. Et mon Dieu, qu'on l'aime, cette nouvelle reporter-là. Ouais. Franchement, honnêtement, on se répète, mais depuis que Jean-Sébastien Girard a quitté l'émission, l'ambiance n'est que bonne. C'est le jour et la nuit. C'est le jour. On a un petit minute d'applaudissement pour le départ de Jean-Sébastien. On va aller rejoindre Catherine. Ma belle Catherine, comment ça va? Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ben là... Voyons, voyons donc! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Allô, Fred? Allô? Oui, qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, honnêtement, vous le savez peut-être, j'ai écouté ma remplaçante la semaine dernière. Franchement, c'était mauvais. Je me suis dit, bon Dieu de merde, on dirait du Fred Savard, mais en pire. J'ai pensé. Je me suis dit, non, c'est pas vrai, on paye ça avec nos taxes. Donc, j'ai décidé de revenir en attendant que vous trouviez quelqu'un mieux, parce que franchement, puis son sujet, Jean-Philippe, c'est pas si niaiseux. Ouais. Ben oui. Elle parlait d'une étude qui portait sur les seins et les soutiens-gorge. Elle a rencontré un spécialiste, des vendeuses de brassières. Non, mais vraiment, c'était complètement ridicule. Le voici de retour. Bon! Ben, c'est décevant. Et vous allez nous parler de quoi cette semaine? Ben, de pénis et de petites culottes couronne. Bon! Ben, c'est un gros plus. Hein? Ben oui, effectivement, vous avez probablement lu Jean-Philippe cette semaine dans la presse. En fait, mardi dernier, on a publié une étude qui disait que pour augmenter la fertilité masculine, il faut idéalement porter un kilt ou à tout le moins ne plus porter de petites culottes. Porter pourquoi? Un kilt ou porter, pas porter de petites culottes, OK. Oui, exactement. Bon, pourquoi? Parce que semble-t-il que si vous désirez avoir des petits votiers, Jean-Philippe, vous devez vous tenir le scrotum à basse température. Et pour parler de chaleur testiculaire, j'ai avec moi la célèbre docteure Christine Laberge, une superstar de TVA. Docteur, bonjour. Bonjour. Bon, tout d'abord, permettez-moi de vous questionner sur cette étude. C'est-tu vrai qu'il faut avoir le berlingot à l'air pour maximiser ses chances d'engrosser sa concubine? En fait, pas à l'air, mais il faut avoir pendant. Parce que effectivement, quand c'est trop près du corps, votre chaleur va faire qu'il y a une diminution de production de spermatozoïdes. Ah. Alors, il faut que ça soit pendouillant. Ah. C'est ça le principe. OK. Le plus loin possible du corps. Ah, OK. Mais je tirerai pas dessus, là. OK. C'est pas nécessaire. C'est ça qu'on fait, c'est ça le problème. Non. On dit souvent qu'il faut éviter de porter des pantalons serrés pour éviter d'avoir des problèmes testiculaires. Est-ce que c'est vrai, ça aussi? Oui. Effectivement, les culottes qui sont très, très, très, très serrées, les leggings pour gars, les jeans très, très, très serrés qui vont faire que les testicules ne respirent pas et gardent leur chaleur pleine et entière. Je vous apporte une photo de mon animateur, Jean-Philippe Vautier. Vous voyez ici, c'est sa troisième photo de profil sur Facebook. Il s'en va faire du vélo avec des cuissards. Regardez-y bien la petite surprise. Est-ce que vous pensez que ça pourrait expliquer le fait qu'il n'est pas encore d'enfant à 33 ans et qu'il en Mais en fait, c'est parce que pauvre petit chou, il a deux balles contre lui, c'est le cas de le dire, parce que effectivement, il a la chaleur de des cuissardes, il a l'étanchéité aussi, et en plus, il a la barre de bicyclette qui peut heurter son périnée et qui peut même diminuer la sensibilité au niveau de tout le périnée. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs pauvres petits loups. C'est peut-être pas le meilleur sport pour lui. Bon, écoutez, c'est très intéressant. Ça me donne envie de me sortir les genitals en plein reportage. Mais écoutez, Jean-Philippe, approfondir le sujet du kilt. En quelques minutes, je vais retrouver une spécialiste de la jupe masculine tout de suite après la semaine chronique de Fred Savard. Et où, Catherine? Je sais pas. Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de la première chaîne. Une émission qui trouve qu'à 73 ans, ça doit être vrai que c'est bien meilleur le matin. Hey, pour vrai, c'est lourd, hein, Jean-Sébastien? C'est lourd. Ouais. C'est lourd. Ouais. Allez-y, Fred. Ben oui, ça fait une grosse semaine, hein, Rich. Je vais vous assommer pendant 4 minutes. Ça fait une grosse semaine, Rich, en émotion pour nous à Radio-Canada, ainsi que pour nos auditeurs. Évidemment, je fais allusion ici à l'annonce du départ de Renaud Miroy de l'émission C'est bien meilleur le matin. Je lui offre d'ailleurs tous mes souhaits de prompt rétablissement. Une stéréo porose à ce moment stress. Faudra abolir les jeux de mots à un moment donné. Ben, Cloutier a peut-être une loi à faire avec ça, abolir les jeux de mots parce que moi-même, je peux pas m'en empêcher. Là, je peux pas m'en empêcher. Et je finis de Marie-France Bazot, je la félicite, qui revient à la maison par la grande tour. Je n'aurai plus besoin de l'écouter au 98.5. C'est toujours ça de gagner. Ça fait donc une grosse semaine. On en a parlé tantôt, les attentats ratés sur des trains de VIA. Ouais. Eux qui n'auront enfin plus de bonnes raisons de ne pas arriver à l'heure. Je fais de la quadruple négation, moi aussi. Hein. Ouais. D'ailleurs, si j'étais de droite, je vous dirais que dans le temps de Mussolini, les trains arrivaient à l'heure. Mais il paraît que même ça, c'est un mythe. J'ai appris ça cette semaine. Alors, aussi bien privatiser tout ça, comme Post Canada, d'ailleurs, les rumeurs s'intensifient. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On pense à privatiser ça et arrêter le courrier. Et avec raison, hein, comme le gouvernement fédéral n'envoie plus de chèques aux chômeurs, on se demande à quoi sert vraiment la poste, à part recevoir de la pub de lunetterie 3 pour 1 ou, au mieux, des lettres d'agence de recouvrement. Mais tout ça est secondaire, puisque la chose qu'on aurait dû parler cette semaine, mais qu'on n'a pas fait, c'est la chronique de Don McPherson, parue dans The Gazette en début de semaine, où il affirmait que la nomination de Pierre-Carl Péladeau à la tête du CA d'Hydro-Québec pourrait être un appetizer. Et que, dans le fond, le grand plan secret des forces souverainistes serait de catapulter Pécopé à la tête du PQ afin qu'il devienne premier ministre du Québec dans un avenir à moyen terme, moyen étant d'une qualité que le avec PQ arbore avec une fierté à peine dissimulée. Pardon? Avec Régis Labeaume comme vice-premier ministre. Ah, je sais pas. C'est pas assez pour lui, vice-premier ministre, je pense. Non, mais on a beaucoup capoté à mot couvert hein, sur la promotion de Pécopé à la tête du CA du Québec. Et pourtant, l'article de McPherson aurait dû semer encore plus les mois, bien qu'à y penser de plus près, Pécopé comme premier ministre du Québec ne serait peut-être pas une si mauvaise chose. Ah oui? Là, je suis plein de bonne foi. Oui. Et je pense immédiatement à Télé-Québec. Parce qu'on sait que M. Péladeau aime s'occuper de ses entreprises. Il est partout. Ouais. Et à Télé-Québec, pour en profiter, hein, vous connaissez bien cette station. Ça va très bien. Imaginez ce que deviendrait cette chaîne moribonde sous la houlette d'un PKP premier ministre. Une télévision d'État avec des codes d'écoute du jamais vu. On peut bien se payer la tête de TVA, mais on doit avouer qu'ils ont des codes d'écoute que nous n'aurons jamais. Hein. C'est vrai que des mauvaises langues vous diront que même les Color Bars atteindraient le million de téléspectateurs à TVA, mais on ne le répétera pas puisque ce sont de mauvaises langues et à la soirée d'Encore Jeune, les mauvaises langues, on n'aime pas bien ça. Mais cette réputation de TVA, à la vie dure, même les cyniques considéraient que les téléspectatrices de Télémétropole, à l'époque, en particulier, étaient en quelque sorte les trocs de la rue Panay. Hein. Ils appelaient comme ça, mais ça non plus, on ne le répétera pas, hein, je ne l'ai pas dit. Ouais. Ainsi donc, on peut bien critiquer le caractère bouillant de PKP, mais on ne peut pas lui enlever ses compétences pour faire de la télé qui fonctionne. Alors, je me suis amusé cette semaine à penser à quoi ressemblerait la programmation de Télé-Québec sous un gouvernement Péladeau. Bon. Alors, une émission comme Les Appendices pourrait devenir, grâce à l'agence QMI, l'appendice au singulier, hein? Chose qui dépasse et qui pendouille et qui ne sert à rien. On sauverait des millions. L'émission scientifique Le Code Chastenay pourrait être remplacée par l'émission Le Code Poirier. On y parlerait moins de science, mais le contenu serait tout aussi obscur. Les francs-tireurs ne bougeraient pas, évidemment, sauf que l'émission deviendrait une quotidienne, Martineau étant déjà habitué à tirer sur tout ce qui bouge chaque jour que nous apporte une de ses délicieuses chroniques. Mon Dieu, merci. Et tant qu'à faire, Martineau pourrait également animer la nouvelle mouture de l'émission Nationale Géographique, qui deviendrait Nationale Démagogique. Une pilule, petite granule, devrait survivre hein, également, mais avec un nouvel animateur, peut-être Éric Lapointe dans les deux rôles. Les Verts contre-attaque. Changerait de titre et d'animateur. Je verrais bien Nathalie El-Grabi hein, animer la nouvelle mouture intitulée « Les Verts sont des astis de Mongol ». Et les bobos pourraient devenir les bobos en or, hein, avec vous, Vautier, dans le rôle d'Andorval et Patrick Lagacé dans le rôle de Marc Labrèche, tant qu'à subir des longueurs aussi bien que ce soit avec des gens qu'on aime. Et PKP doit bien savoir, comme nous tous, que vous n'êtes pas un ultra-gauchiste. Avouez, hein, ça fait rêver. Et on ne parle que de Télé-Québec. Avec Pierre-Carl comme premier ministre, on pourrait révolutionner totalement le Québec qu'on connaît aujourd'hui. Un Québec qui deviendrait une grosse cote d'écoute. Dans les années 70, on criait souvent le Québec aux Québécois, mais bientôt, ce sera sûrement le Québec à Québécois. Oh, c'est une belle chute, ça. Les gens applaudissent nerveux. C'est un réflexe. C'est nerveux. C'est nerveux, je pense. C'est nerveux. Hey, merci. On va les retrouver, malheureusement, et en grande déception. Ouais. Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Bonjour. J'écoutais la chronique de Fred Savard, puis je me disais, Seigneur, que j'aurais aimé ça que son père porte des pantalons plus serrés. Ben, malheureusement, il y avait des pantalons pattes d'éléphant. C'est ça. Alors, évidemment, pour ceux qui viennent se joindre à nous, nous parlons de cette étude qui dit aux hommes, pour être fécond, ne portez pas de culottes ou pourquoi pas porter un kilt. Et j'ai avec moi Mme Julie Perron de Scottish Central, qui est l'endroit virtuel idéal pour se trouver tout ce que vous cherchez au sujet de l'Écosse. Elle vient de me prêter un kilt. Je suis en train de porter présentement. Je dois dire que je suis assez confortable. Tu es assez aguichant, merci. Bonjour, Mme Perron. Bonjour. Bon, moi, je veux bien porter sur une base quotidienne le kilt, mais j'ai des craintes, évidemment, qui sont sûrement celles de plusieurs. D'une part, j'ai peur d'arriver dehors et de me jeter la merguez. Ou encore, que le vent pogne là-dedans et que je me retrouve les oiseaux à l'air. Est-ce que ce sont des peurs légitimes? Oui et non. Étonnamment, le kilt est fait de laine, donc c'est quand même assez chaud. Ah. Pour ce qui est du vent, il faut être prudent, faire attention, ben oui. Et être vigilant. Est-ce qu'on pourrait porter un kilt à Jean-Philippe qui pourrait peut-être ouvrir l'émission la semaine prochaine avec un kilt? Ça me ferait plaisir de louer un kilt à Jean-Philippe, sans problème. Bon, Jean-Philippe, est-ce que vous tentez de relever le défi? C'est surtout parce que je suis assis devant les gens d'assez près. Bien honnêtement. Mais il n'y a pas de problème. Si on sait comment s'asseoir avec un kilt, il n'y a aucun problème. C'est ça. Jean-Sébastien, ce serait tout là, pour nous, parce qu'on est un petit peu tannés. Ben là, regarde. Ben, je vais vous revenir dans quelques minutes et on va parler de la suite de ce sujet-là et on va avoir des cadeaux pour vos invités. Et qu'on a, Jean-Sébastien, s'il vous plaît, perdez-vous pas en route. Il tripping. Ah oui, OK. Fred, notre deuxième invité rapidement. Après avoir été sur scène la première incarnation du personnage de Thérèse dans La Petite Vie, elle a fondé l'École nationale de l'humour qu'elle dirige depuis. Accueillons Mme Louise Richer. Madame Richer. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien vous-même? Ben, ça va très bien, soyez-vous. Oui, certainement. Hey, là, on a eu un premier segment très humoristique avec notre premier invité. Là, ça va être clair. Là, ça va être sérieux. On va parler d'affaires sérieuses. Enfin. Non, on a parlé de gouvernance souverainiste. Hein? Mais là, on va rire. Louise Richer, y a-t-il trop d'humoristes au Québec? Je l'aime, cette question-là. Moi, je l'aime pas. Ben non. Non, en fait, elle, oui. Ben non, mais en fait, pourquoi répondre? J'aimerais ça évaluer combien de fois on me l'a posé. Ben, c'est exactement ça qui m'intéresse. Mais c'est en déclin qu'on me la pose, alors c'est un peu vintage comme question. Ben, c'est d'ailleurs. Voulez-vous que je vous dise, moi, je travaille avec des gens plus âgés, Fred et tout. Et puis d'ailleurs, il a déjà été enseignant, Fred, à l'école absolument, dans le cours Humour et Société. Oui, humour, ben oui. Hey, humour et Société. Ben, ouais. C'est plate qu'il ait laissé une des deux parties pour faire des chroniques maintenant. Il fait juste Société maintenant. C'est M. Vanasse qui est là cette année avec Luc Volier. Ah ouais? Oui. C'est, ça doit être meilleur. Non, mais combien de fois vous avez été invité pour parler de ce sujet-là? Des milliers de fois. Ben, j'hésite, des milliers, mais des centaines. En 25 ans, parce que ça fait 25 ans que je suis là, vous m'avez qualifié d'éternel. Moi, d'habitude, je dis indécrotable. C'est bien plus joli, éternel. C'est bien plus beau, éternel. C'est rare. Mais c'est des centaines de fois. Mais le vrai problème, là, c'est pas qu'il y en a trop, qu'il y en a qui sont pas drôles. Les humoristes. Mais ça, c'est il y a un rapport d'intimité avec l'humour. Alors, ce qu'on trouve drôle, c'est variable. Il y a une diversité dans l'offre humoristique. Alors, il y a des choses que vous trouvez drôles, d'autres ne le trouvent pas. C'est la même chose pour les chansons. C'est le mot que je trouve très drôle, d'ailleurs. C'est la même chose en chanson. C'est la même chose dans n'importe quelle discipline artistique. En cinéma, il y a des choses qui sont... Alors, c'est pas une donnée universelle et qui fonctionne à tout coup. De toute façon, si on a trop des humoristes, c'est un peu de votre faute avec votre école d'humour qui fête ses 25 ans. Ben oui. Mais bravo, 25 ans d'école. Mots, on peut applaudir. Non, mais quand même. Mais à la fois... La vraie question, en fait, ce serait pas plutôt est-ce que c'est nécessaire, l'École nationale de l'humour, pour être drôle? Comme par exemple, est-ce que c'est nécessaire d'être avocat pour être en politique? On pourrait penser ça. Est-ce que vous êtes avocat, M. Cloutier? Oui, je suis. Ah, ben là! À un moment donné, ça veut dire est-ce que c'est nécessaire d'être avocat pour être humoriste? Parce que c'est cynique, d'ailleurs. Il ben oui, c'est vrai. Le droit, Stéphane Laporte vient du droit, Claude Meunier a fait son droit. Alors voilà, en tout cas, pour répondre à votre question, je n'ai jamais dit hors de l'école point de salut. Parce que c'est pas un énoncé. Il y a personne ici qui a fait l'École nationale d'humour. Et on est très drôle. Tout à fait. C'est l'exception qui confirme la règle. Absolument. C'est pas compliqué. C'est une exception. Parce que quand même, on est en nomination aux Olivier. Je dis ça comme ça. Mais les nommés aux Olivier de cette année, il y en a 80% qui viennent de l'École nationale d'humour. Ben, depuis que les Olivier existent, je pense que c'est la 15e édition cette année, effectivement. Il y a à peu près... autour de 70 % des nominations, voire récipiendaires. Mais cette année, c'est 80 quand même. C'est pas rien. C'est pas rien, effectivement. Que dire? Alors, qu'est-ce que... C'était pas une question, en fait. C'était plus une phrase ouverte. Jean-Philippe, Jean-Philippe, c'est ça. C'est rare qu'on m'appelle par mon nom. C'est une donnée assez éloquente. Ben, je pense que oui. Ça n'empêche pas que ceux qui sont ici, ils sont pas passés, qui sont pas valables. Le 20 % est très bon cette année. Le 20 % d'ailleurs, c'est nous, parce qu'on est tellement beaucoup dans la nomination. Non, mais j'ai le goût qu'on joue à un jeu. On va retourner à parler de nous, je trouve ça un peu plus important. Vous allez nous dire ce que vous pensez de nos adversaires dans notre catégorie radio. Mais non, mais c'est important. Vous êtes la grande Manitou de l'humour. La papesse indécrottable de l'humour. Oui, c'est ça. Ça va bien, j'aime ça. Vous allez nous dire s'ils sont drôles et s'ils ont des chances de gagner. Alors évidemment, vous nous connaissez, la soirée est encore jeune. Haha, très drôle. Ensuite, on a Les Grandes Gueules et Richard Turcotte. Est-ce que... Ben, les gens trouvent ça drôle. Alors, j'évalue leur chance de gagner. Oui. Écoutez... Ils sont connus, C'est les radios commerciales, mais je pense pas. Je veux dire, c'est l'Académie qui vote. Effectivement, est-ce qu'on peut penser que parce que les grandes gueules, entre autres, sont des humoristes, en ce sens, qu'ils font des spectacles... Bien, j'ose croire que non. Bon, bien, on espère. Mais c'est comme dans n'importe quelle, de toute façon, dans n'importe quelle académie ou soirée de remise de prix. Faut être connu quand même un peu. Ben moi, en tout cas, j'ose croire qu'il y a une certaine objectivité, que les gens vont voter sur l'appréciation, la qualité, pas seulement, effectivement... La deuxième équipe, là, c'est Lunch de fou. Cyril Bellin, Étienne Dao, Dano, Edling Clancalidi. Adib, non, ça vaut bien le prononcer. Al-Khalidé. Al-Khalidé. Oui. Je ne parle pas d'ici avant que vous le disiez correctement. Je vais le grandir. Adib Al-Khalidé. Bon, qui est un humoriste exceptionnel. Est-ce qu'il vient de l'École de l'humour? Oui. Ah, ben c'est ça. C'est sûr. Non, mais... Vous avez voté pour lui, j'imagine? Est-ce que vous allez voter pour lui? J'ai voté, d'ailleurs, hier. J'ai posté, mais je ne vous dirai pas, vous seriez probablement surpris. Ben, voulez-vous que je vous dise, je pense qu'elle a voté pour C'est encore drôle. Ouais. Avec Pierre Pagé, Anaïs Favron, Philippe Bond. Avouez que c'est ça, hein? Avouez que c'est ça! C'est ça! Avez-vous vu ça? Ah, je suis déçu. Isabelle Richer? Isabelle Richer? Isabelle Richer. Voulez-vous que je vous dise? Je suis gêné de m'être trompé comme ça. Pourquoi? Je l'aime même pas, Isabelle Richer. J'espère que vous n'êtes pas parfait, Jean-Philippe. Mais ça me fait mal, ça. À un moment donné, tu te dis, tu sais... T'es parfait, puis finalement, non. Ouais. Mais tu quand tu côtoies Fred Savard, tu te rends bien compte. On est encore loin de la perfection. Non. Louise Richer, c'est bien ça votre nom? Oui. OK, d'accord. Il y a Nathalie Pretowski qui avait dit que vous aviez un petit rire. Ça me fait rire. Petit rire flûté, aigu et nerveux. Allez-y donc pour voir. Mais non, je ris depuis tantôt, là. Je vais vous faire une autre. Mais parce qu'on s'est pas concentré pendant que vous riez. Ben, mais je suis pas capable de faire ça sur commande. Arrêtez donc, Fred, une joke. Non. Je suis pas capable de faire ça sur commande. C'est ça. On l'a. C'est ça qu'on avait besoin. Je ne simule pas. Je ne simule jamais. C'est vrai que c'est difficile de rire d'un zapartiste. OK. Vous restez avec nous et on va écouter notre prochain chroniqueur, Fred. Contrairement à bien des gens, il ne sort pas ses poubelles, il les écoute. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Hey! Est-ce que c'est la première présentation qui n'a pas le mot jambon dedans? Je pense que oui. Wow! Ouais. Ouais. À 42 quand même. Ouais, c'est ça. Olivier? Oui, bien, les animateurs de radio qui aiment être en sacrament au petit déjeuner ont trouvé encore moult raisons de s'indigner cette semaine. On n'a qu'à penser à Sylvain Bouchard et Mario Dumont qui étaient bien insultés de la nouvelle mesure pour permettre aux jeunes de nos jours de voter dans les cégeps et les universités. Pas parce que c'est une mauvaise chose, non. Au contraire, Mario Dumont a déjà milité pour ça. C'est juste qu'il n'y avait rien qui se passait jusqu'au jour où ça a été promis au Carré Rouge. Ouais, mais là, Mario, là, c'est fini. Là, il n'y avait plus de placotage. Mais je pense qu'à l'époque, tu l'as échappé un peu. Là. T'aurais dû te mettre un costume de panda, descendre dans la rue, lancer des roches, intimider, bloquer des ponts. Me battre un peu avec la police. Ah, c'est vrai qu'il serait plus crédible avec un déguisement de Kakisto Panda, Mario Dumont, hein? Ouais. Parce que son déguisement d'animateur, là, c'est plus ou moins réussi. Pendant ce temps, Joanne Marcotte du réseau Liberté Québec était très déçue de la réaction de la gauche bien-pensante face au terrorisme. Gauche bien-pensante qu'elle définit comme suit. Voici le profil de notre gauche bien-pensante. Oh, c'est laid. Parle ici de gens qui méprisent nos institutions, les forces de l'ordre, le système de la justice. On l'a vu au printemps d'Assé. Fuck les injonctions, même le Parlement, fuck les élus, ce sont des larves. Ce sont des larves qui inséminent le cerveau de nos jeunes et moi je nous blâme tous collectivement d'avoir permis à notre système d'éducation de faire ça. Non, c'est vrai que l'école, c'était bien mieux dans le temps où c'était les curés qui inséminaient nos jeunes. Reste que Joanne Marcotte, notre anarcho-capitaliste, en avait particulièrement contre un tweet douteux d'Anarcho Panda qui allait comme suit. J'espère que de vous sentir mal pour Boston vous fait du bien, mais le capitalisme sauvage tue des milliers de personnes par jour. Un lien que le co-animateur de Dominique Moret, GC, n'a pas trop compris. Il dit... Vous vous apitoyez pour les mauvaises causes. La véritable cause, c'est qu'il faut vous battre contre le capitalisme. Mais quiconque a un esprit logique, là, écoute ça, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le lien? Ton premier réflexe. Ton gars est mort d'un accident de char, ouais, mais attends, c'est pas grave. Tu sais que le sida tue du monde. Ouais, puis c'est quoi le rapport? Je peux être triste pareil? Je comprends pas. Bizarre quand même qu'un gars qui travaille à Radio Sophisme ne comprenne pas à quoi sert une fausse analogie. Ça sert à faire croire qu'il y a un lien entre deux affaires par rapport. C'est comme un peu comparer une manifestation pour le climat puis une manifestation contre le terrorisme. Quelques milliers de personnes qui manifestaient pour le Jour de la Terre à Montréal. 1000 personnes. Je sais pas le chiffre exact, Joanne. 2000 personnes manifestaient en solidarité ici à Québec en guise de solidarité pour les Bostonnais. Il faut se poser des questions sur le divide Montréal-Québec. Non, mais je peux-tu être triste à cause du climat et à cause du terrorisme? Je comprends pas, là. En tout cas, le schisme entre Montréal et Québec est bien réel. À Montréal, on a beaucoup plus fêté la Terre. Il y a même Éric Duhaime qui a donné des T-shirts en son honneur. premier gars ou une fille qui arrive ici, diamant. 200 Laurier West, là, venez vous présenter avec un V8 là, ou un V6, puis je vous donne un T-shirt. Un beau truck, vous assumez, puis ça vous dérange pas, vous êtes écœuré de faire écœurer par les enverdeurs, comme j'aime les appeler. Pour rendre gloire au jour de la Terre. Ça va être façon de célébrer la Terre. Chapeau au gars dans son pick-up qui a dépensé 10$ de gasoline pour aller chercher son T-shirt gratis. C'est avec des petits gestes comme ça que le Québec va évoluer. Faudrait juste qu'un jour, on se débarrasse des larves terroristes enverdeuses, gauchistes, bien pensantes, qui tirent la province vers le bas, comme l'expliquait Denis Gravel de Radio X. Je pense que ce qu'il faut faire le plus rapidement possible au Québec, c'est laisser Montréal couler puis lâcher les poids qui nous traînent vers le fond. L'ancre qui nous garde dans le fond de la marde au Québec, c'est Montréal. Jeter Montréal, le cœur économique du Québec avec l'eau du bain, excellent plan de relance. Une chance qu'on peut se consoler en écoutant l'histoire de gens en pire posture que nous chez Denis Lévesque. Tout de suite, on va aller à Denis, une entrevue qui va faire beaucoup parler ce soir à l'émission, Denis. Je reçois Maud Hubert. Elle est née avec un pénis, un testicule, un utérus, une trompe de Fallope et un ovaire. Bon, peut-être que de vous sentir mal pour cette personne vous fait du bien, mais n'oubliez jamais que le capitalisme sauvage tue des milliers de personnes chaque jour. N'oubliez jamais ça. Oh, merci d'écouter ça pour nous. Le témoignage de Frank Zampino à la commission Charbonneau a donné une belle visibilité au restaurant Pacini. Hein. Je ne sais pas si vous avez écouté. C'est un gros fan de bar à pain. On a pensé à une nouvelle pub pour profiter de la vague. On écoute. Frank Zampino l'a dit. Il aurait pu fréquenter l'Intercontinental ou le Sofitel, mais c'est chez Pacini qu'il a choisi d'aller avec ses petits amis de la construction. Des pastas, de la pizza, Paolo Catania. Chez Pacini, on a tout ce qu'il faut pour confirmer des affaires qu'on ne pourrait exclure. Et c'est la seule place où Zampino payait de sa poche avec vos taxes municipales. En plus de notre bar à pain, nous offrons à nos meilleurs clients notre tout nouveau bar à enveloppe. Que ce soit les blanches, les brunes ou les jaunes, il y en a pour toutes les bourses. Essayez nos toutes nouvelles enveloppes multigrains au beurre à l'ail. Pacini, savoureusement italien. Bella Ciao! Eh bien, j'ai très envie de passer à notre dernier chroniqueur, mais nous devons malheureusement aller voir Jean-Sébastien. Ah, boy. C'est dommage. Ah, mon bon, c'est le fun. Ça va bien, vous? Allô, Fred? Oui. Allô? Alors, toujours évidemment en train de parler de bisounes et de comités. Et on termine cette vaste enquête avec une superstar des bobettes pour hommes au Québec. Il s'appelle Danny Kromstrom. Il est propriétaire de la boutique de sous-vêtements pour hommes Un Style de Vie, qui a pignon sur rue à Québec. Mmh. Vous l'avez vu lundi dernier dans L'œil du dragon. Il a tenté d'obtenir de l'argent pour une boutique à Montréal. Bonjour, Danny. Bonjour. Alors, évidemment, cette nouvelle, c'est probablement pour vous une claque dans le fond de savoir que pour avoir des papas, il faut se promener le cigare à l'air. Ben, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un bon sous-vêtement très confortable. Ouais. Et c'est quoi un bon sous-vêtement bien confortable? Ben oui. C'est sûr que ça marche par le tissu ou par le look ou peu importe, mais il y a plein d'aspects de même qu'on peut regarder pour que la personne soit vraiment confortable dans son sous-vêtement. Alors, pendant que vous êtes là, on va en profiter pour parler de mode. Qu'est-ce qui se porte présentement? Est-ce que c'est des trucs un peu mous ou des trucs qui se moulent un peu plus le petit vidu? C'est sûr qu'au printemps, les gens recherchent de quoi qui est coloré, qui est sexy aussi. Mm-hmm. Donc, les peut-être sous-vêtements semi-ajustés, c'est toujours bien gagnant. Ben, je sais. Et là, Danny, on se croirait à blablabla. Vous avez des cadeaux pour tous les gens en studio. Des cadeaux qu'on va aller leur porter en studio dans quelques minutes. On va commencer donc tout d'abord avec Fred Tavard. C'est une chose que j'aime bien personnellement, mais dont je méprise le travail. Donc, quelqu'un qui doit avoir les bases assez tièdes parce qu'il y a eu un enfant, qu'est-ce que vous lui proposez? C'est sûr que pour lui, je pense que je proposerais un beau sous-vêtement qui lève les fesses. Christian. C'est ça, c'est certain qu'il va pouvoir aller pour le printemps avoir une belle, un beau derrière. Bon, c'est ben plus c'est traditionnel ça. Compte tenu que c'est l'aîné. Ah, tout à fait. Bon, maintenant, un cadeau pour Jean-Philippe Bottier. Et je vous montre ici une photo de lui que j'ai trouvée sur son Facebook. C'est sa troisième photo de profil. Ben... Donc, je vous aiguiller un petit peu ce dont il va avoir besoin. Il est un cuisseur. Il fait semblant de nous montrer qu'il fait du vélo, mais dans le fond, c'est autre chose qui nous manque. Qu'est-ce que vous suggérez pour emballer tout ça? C'est sûr que j'irai probablement avec un jock qui est souvent utilisé par les sportifs. mais aussi pour les gens d'affaires qui portent des pantalons pour pas voir justement le sous-vêtement. Dany, je vous remercierai jamais assez de vous être déplacé. On s'en va maintenant en studio. Portez ces beaux cadeaux-là à tout le monde. Moi, je m'en viens avec mon kit. Merci Jean-Sébastien, vous êtes un apport extraordinaire à cette émission. À la semaine prochaine. Fred, notre dernier chroniqueur. Il a eu une vision cette semaine, Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Il a donc passé une très mauvaise semaine. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Bonsoir, bonsoir. Hey, non, mais vous êtes chanceux, Jean-Philippe Cipriani. Vous êtes allé célébrer la victoire de Justin Trudeau. Oui, oui. Non, mais il est charmant quand même, Il est charmant, presque des aussi beaux cheveux que vous, d'ailleurs. Non, il est propre, propre. Ouais. Il est pas comme Fred. Il sent bon. Mais il se rase, lui. Ben, c'est... mais pauvre lui, hein, il se fait varloper avec des pubs tellement novatrices à l'avant-garde. Je trouve qu'on est dur avec Justin. T'sais, bon, oui, il bafouille, il répond pas grand-chose, mais finalement, il est un peu à l'image de sa définition du Canada, un grand projet inachevé. Hein? Comment ne pas succomber à des phrases si inspirantes de son discours de victoire. Hein. Je suis confiant en l'avenir. Notre tâche n'est pas terminée. Nous faisons face à d'énormes défis. Nous devons faire preuve d'audace et d'ambition. T'sais. Puis dans sa pub, l'avenir est entre nos mains. T'sais, une soirée avec lui puis Philippe Couillard, là, tu peux écrire une encyclopédie de psychopop au complet. Pourquoi Justin serait un extraordinaire premier ministre? Parce que tous les Justins sont des saints. Saint Justin de Naplouse, apologète du 11e siècle, là, philosophe chrétien, connu sous le nom de Justin Martyr ou Justin le philosophe, puis au nombre de phrases profondes et réfléchies qui nous sort Justin Trudeau. Ouais. On peut croire qu'il est philosophe, mais qu'on comprend pas finalement. Ouais, hein? C'est ça, ouais. Justin de Jacobis, aussi au 19e siècle, missionnaire en Éthiopie. Justin pour remplacer Colette à Vision Mondiale. Non, mais tu sais, hein? Ouais. Justin Bieber, Justin Timberlake, qui va ramener le sexy back, notre Justin. Puis oui, entre un gars qui se déshabille puis un autre qui serre la main à ses enfants en les amenant à l'école, là, lequel vous choisissez sérieusement? Là? J'écoutais pas. Au féminin, là, ça se dit Sainte Justine, les enfants pauvres. Non, mais tu sais, qui peut être contre ça, les enfants malades? Là? Ça a fait vivre Joël Legendre puis Patricia Paquin pendant des années, là, enfant soleil. Mais là, mais Justin, là, par exemple, sur le dossier de la Constitution, là, il est pas un peu pissou pour en parler, me semble. Non, mais je veux dire, on avait un... Jean-Philippe, c'est parce qu'il aime pas ça, les vieilles chicanes. Hein? Ouais. Ni Justin, ni Stephen Harper veulent recenser les vieilles chicanes. Évidemment, quand on pense à vieilles chicanes, là, tout le monde a en tête, évidemment, l'image de Boom Desjardins qui finit ses jours dans une résidence soleil. Mais non, faut aller plus profondément que ça. Le nœud pousse le vieux, Jean-Philippe. Puis de toute façon, on n'aime pas ça, la chicane au Québec. Hein? On veut la poule aux œufs d'or. Nous, la naïveté de Denis Lévesque. Puis notre grand dilemme, là, est-ce qu'on choisit le candidat de Jean-Pierre ou de Marie-Mé à la voix? Pas de chicane dans ma cabane au Canada. Ouais. Ok, j'ai pas à vous faire le lien là, parce que ça va sonner comme un couplet de Locolocas, mais les vieilles chicanes là, quand est-ce qu'une chicane devient vieille? On parle de la chicane constitutionnelle de 1982. Si ça c'est vieux quand même, le contentieux israélo-palestinien là, c'est vieux comme le père Fouras à peu près. Les chicanes, Jean-Philippe, c'est le passé. On passait la veillée dans la cuisine puis on chicanait à table. On détruisait nos familles avec les chicanes pour un référendum parce qu'un disait oui, l'autre disait non. Non. Là, M. Vautier, là, faut pas recommencer à réfléchir comme ça. Là. Remettre l'autorité du père en question, ça nous ramènerait à Freud, puis au mythe du père, puis là, Trudeau veut pas faire les mêmes erreurs que son père, parce que, tu sais, souffrir de la comparaison. Souvenez-vous d'un père idolâtré comme Jacques Villeneuve, avec Gilles. Ouais. Ça s'est gâché à la génération suivante quand il a sorti son album. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que c'est fini les vieilles chicanes, parce que Justin le sait, oui, il a pensé à Jacques Villeneuve. Il sait que quand on négocie mal les chicanes, on frappe le mur du Québec. Oh, mais il y a des liens dans toute dans cette émission-là, mais il y a des phrases que j'ai pas vérifiées. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Hey, c'est déjà tout pour ce soir et c'est très heureux comme ça. Bien honnêtement. On vous invite à rester à l'écoute parce que dans quelques minutes, c'est Plus on est de fous et ensuite c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe, Valentine Ticotte, Jean-Louis Gagnon, Steve Côté et Philippe Roberge. Et un gros merci à nos invités de ce soir. Alexandre Cloutier, bonne chance dans votre gouvernance souverainiste. Et Louise Richer, un gros merci au gouvernement péquiste pour vous donner du matériel pour votre école de l'humour à chaque année. Et je vous garantis que si c'est le gouvernement libéral qui s'en vient, ça va être aussi drôle. Ouais, alors, si vous voulez réécouter notre émission, notre balado est disponible sur notre site web et vous voulez venir à l'enregistrement la semaine prochaine, les jeudis à 17h, nos invités, le ministre Pascal Bérubé, votre collègue, et un invité surprise. Ouais, on travaille fort. Ouais, ça c'est plus traduction, on sait pas c'est qui encore. Ouais. OK. Alors, ici Jean-Philippe Vautier qui me souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.